Merci d'écouter la première. Tout de suite, voici Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Les soldats d'Algérie vous parlent. Je suis parti me battre pour la France et puis, qu'est-ce qu'on a fait de moi ? Cette semaine, la torture en Algérie. On était des jeunes athlètes, on disait l'Algérie, la France, tout, on savait plus bien où on en était. Hein. De la revendication d'indépendance à une pacification sanglante. Qu'est-ce qu'il y a tiré, là ? Qu'est-ce qu'il y a tiré ? C'est que ce merdier, là, vous avez vu quelque chose ? Ces massacres d'un côté ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000. Bonjour, cette semaine est donc consacrée à l'Algérie et à la torture pratiquée par l'armée française. Cette semaine, nous reprenons l'histoire au début, à la montée des événements. Un soulèvement vient d'avoir lieu dans les Aurès en 1954. Le ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, s'est immédiatement rendu sur place et s'est fendu à son retour d'un discours ferme, rappelant que l'Algérie est et restera française. Et pour conclure le tout, il a demandé l'envoi de troupes. Revenons donc à ce soulèvement dans les Aurès. Pour l'heure, la France ne croit guère à un événement portant à conséquence, à là encore le culte de la grande armée napoléonienne. Chapitre 1. C'est curieux chez les grandes armées cette certitude de l'invincibilité face aux pouilleux. Enfin bref, elle pense qu'elle parviendra rapidement à mettre fin à cette agitation. Un gros paquet de paras et après ça, on y verra plus clair. Lord Galwin, ambassadeur britannique en France de 1954 à 1960, en témoigne. Les gens à Paris ne prenaient pas ces événements très au sérieux. Ils pensaient que la grande armée viendrait à bout du soulèvement dans les Aurès, dans le sud de l'Afrique, sans trop de difficultés. Il en est de même de Sam White, correspondant à Paris du London Evening Standard. Personne ne pensait que c'était le début d'un grand soulèvement. On considérait cela comme un acte terroriste isolé. Cependant, les milieux bien informés de Paris craignaient que ce ne soit le début d'une campagne terroriste. Mendès France venait d'arriver au pouvoir. Mitterrand était ministre de l'Intérieur. Ils étaient convaincus tous deux que le terrorisme serait étouffé et que l'Algérie resterait française. Oh que oui, ils y croyaient, oh que oui, ils l'espéraient. Bien des choses, la grandeur de la France, son rayonnement tout de même, il ne s'agit pas de filer de toutes les colonies, comme ça l'air niais et la vue basse après l'Indochine, l'Algérie, non. Alors je vous propose qu'on revienne sur le discours du 7 novembre 1954 du ministre de l'Intérieur, François Mitterrand. N'imaginez pas que ce serait de notre part une volonté de nous acharner sur le pauvre Mitterrand, qui en plus n'est même plus là pour se défendre. Mais après tout, il n'est que le porte-parole d'une administration française qui pense exactement comme lui, un peu de choses près. Ils pensent tous que l'Algérie est avant tout une province française, un département français. Mais manque de peau, ce jour-là, ce 7 novembre, c'est lui qui a parlé. Et vous allez l'entendre, sur à peu près tous les points de son discours, l'histoire va donner tort à ses paroles. En s'attaquant à nos compatriotes algériens, les meurtriers et les émeutiers ont dressé contre eux la force française. Cette force défendra la justice en maintenant l'unité nationale, en protégeant ceux qui travaillent et ceux qui peinent, en rétablissant la paix civique. Ça déjà va pas y arriver du tout. Appuyée sur la volonté de concorde et de progrès de l'immense majorité du peuple, elle interdira aux agitateurs, le plus souvent recrutés à l'étranger, la poursuite d'une œuvre de destruction. Deuxième erreur, le conflit va s'éterniser. Si les meneurs ont voulu alerter l'opinion internationale, à la veille d'une session des Nations Unies, ils ont eu tort. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne. Va bien falloir. Troisième erreur. Le seul arbitre des différences entre les citoyens, c'est l'État. Le seul responsable de l'ordre, c'est l'État. Et il ne peut y avoir d'autres juges que lui et d'autres autorités que la sienne lorsque l'unité nationale est en jeu. Alors là, c'est pas une erreur, c'est un gargarisme tout au plus. Les meneurs ont-ils cru que l'opinion française se diviserait et finalement les laisserait agir à leur guise? Ils ont alors oublié que derrière le gouvernement, tous les Français, qu'ils soient de la métropole ou de l'Algérie, se grouperaient pour défendre le bien commun, la terre commune, la République enfin. Non, 100 fois non, soyons charitables, arrêtons cette archive, faux sur toute la ligne. Concernant le dernier point, ils vont tous se lever comme un seul homme pour défendre la République. L'enthousiasme général des Français, comme ça, comme un seul homme, va se lever pour aller défendre leur Algérie française. Ben non, l'histoire va se passer un peu différemment. Alors certes, il y en a qui sont déjà debout, l'arme à la bretelle et la nouille sous le bras. Moi j'étais heureux de partir. J'étais heureux de pouvoir dire enfin, je vais connaître un autre monde. Au départ, on croyait que c'était pour sauver un peu la France, c'était notre département. Mais quand on était là-bas, on s'est aperçu que c'était pas du tout la France. Ben pour nous, le Fellaga était un étranger quoi, qui voulait s'implanter dans un pays qui était la France. Voilà, on sent que la connaissance du terrain et de l'autochtone reste encore un petit peu à améliorer. Enfin bref, les premières troupes savent à peu près pourquoi elles partent. Il y a donc sur place quelques centaines de hors-la-loi, des sauvageons qui sèment la pagaille. Faudra mieux pour que ça s'éternise. Vous allez me trouver les meneurs et me les ramener et au pas de charge. Chapitre 2. Grande armée cherche insurgé, faire offre. Mais, c'est là que ça se corse. Ce damné Fellaga, ce damné Fellouze, il ne respecte pas du tout les règles du combat. Il se montre pas, il se planque dans ses montagnes. Oh, l'infidèle, indébuscable. Ni les tanks, ni les troupes transportées ne parviennent à le dénicher. Dans les montagnes. Et puis quoi encore? Et puis manque de peau, l'armée française a des chars d'assaut au lieu d'avoir des mulets. Côté hélicoptère, y en a un pour tout le pays. Ça, c'est un coup à rejouer la guerre de 100 ans. Comme l'interrogatoire des populations donne peu de résultats, les autorités élargissent le champ de leurs arrestations en mettant sous les verrous quiconque leur paraît suspect. Voyez un peu l'aspect château de cartes de l'opération. La plupart du temps, les interrogés n'en savent pas plus que leurs interrogateurs. Seulement, comme l'interrogatoire est la plupart du temps ponctué de bourre-pif, vous pouvez être sûr qu'à la sortie, le FLN compte un gars de plus dans ses rangs. Et quand on a fait mécanique, on appelle ça un engrenage. Donc pour la France, d'abord, on va rétablir l'ordre, et puis après, on étudiera les exigences des nationalistes. Et pour rétablir l'ordre, à qui fait-on largement appel, à votre avis? Eh bien, à tous les musulmans restés fidèles à la France. Bah oui, ils connaissent mieux le terrain, et puis ils parlent la langue, et puis même les langues, et puis ils les comprennent ces langues. Et puis il vaut mieux aussi que ce soit eux qui passent que les petits Français, hein, des deux mots choisissons le moindre. C'est à eux, à ces musulmans restés fidèles à la France, que le FLN va réserver le sourire kabyle. La gorge est tranchée d'une oreille à l'autre. Du coup, la guerre d'Algérie, les événements, décidément, devient une bataille entre musulmans. Grotesque, hein, et tragique. Alors Paris a demandé des assouplissements. Nouvelle nomination pour une orientation qu'on appelle déjà intégration. D'ici peu, on parlera élection. Tout ceci rime. Mais on ne sait pas encore à quoi. Jacques Soustelle, ancien responsable des services secrets à Londres pour De Gaulle, est nommé gouverneur en Algérie. Nous l'entendons à présent répondant à un journaliste anglais sur cette question de l'intégration. L'intégration était la réponse que l'urgence de la situation qui avait été créée non pas par nous, mais par l'insurrection de 1954, parce que nous étions sûrs que les deux communautés devraient vivre ensemble. Et nous entendons à présent Jacques Roseau. En ce qui nous concernait, moi j'ai été personnellement président du mouvement lycéen d'Algérie, nous pensions qu'il y avait en Algérie de profondes réformes à faire parce qu'il y avait une discrimination entre les deux communautés et que les Français musulmans devaient bénéficier d'avantages considérables, ce qui n'était pas le cas dans l'Algérie d'avant 1954. Le statut de l'Algérie avait été mis en place en 1947 et devait permettre à ces réformes qui avaient été élaborées sous cette assemblée algérienne d'arriver à une certaine égalité entre les communautés. Et malheureusement, il y a eu un certain nombre de blocages qui ont été effectués par ce que je pourrais appeler les représentants de la grande colonisation. Car il faut se rappeler que les Français d'Algérie est une communauté composée de 90% de gens de conditions modestes ou moyennes et qu'il y a une petite oligarchie de quelques centaines de grosses familles qui détiennent les pouvoirs de décision sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan de l'information. Les grands journaux d'Algérie sont la possession des grandes familles qui bloquent tout système d'évolution parce qu'ils craignent la perte de leurs prérogatives et de leur puissance politique. Et il est évident qu'il fallait ébranler cet état de rapport entre les communautés. Quelques initiatives sont même couronnées d'une certaine réussite. Il y a notamment les SAS, pour les bouquins, hein. Là il s'agit des sections administratives spéciales. C'est une tentative signée sous stèle de jeter un pont entre la France et l'Algérie, jeter un pont au moyen des képis bleus. Alors les képis bleus sont des militaires qui sont plus diplomates que belliqueux, et ils vont être chargés de rentrer en contact avec la population. Rentrer en contact, ça veut dire s'asseoir, bavarder un coup, échanger, se connaître, se comprendre, fumer une cigarette. Ça marche même bien. Les képis bleus sont bien appréciés par la population, sauf qu'ils sont évidemment une cible privilégiée. Ils n'arrivent pas en voiture blindée, hein, c'est tout seul ou à deux qu'ils arrivent dans les villages, en jeep décapotable. Alors imaginez. Donc un grand nombre est zigouillé par le FLN et comme ils sont déjà pas très nombreux, l'opération Képi Bleu va bientôt supporter les qualificatifs de trop petit, trop tard. Le RAI est né dans les années 30 et ses véritables pionniers sont en fait des pionnières. Ce sont les femmes d'Oran et de l'ouest du pays, les Médahat. Des orchestres de femmes chantant les louanges d'Allah et du prophète face à un auditoire exclusivement féminin. Celles-ci improvisaient autour des thèmes interdits, comme l'alcool ou les plaisirs charnels. C'est dans cette lignée de ce folklore que s'inscrit Sheikha Rabia. Elle raconte les amours déçus, les illusions perdues et la solitude des âmes sans sœur. Sa voix rauque et plaintive n'est pas sans rappeler celle des vieux bluesmen noirs. شق ما يملي ينهى retour à Histoire vivante, juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Prudence si vous conduisez sur l'autoroute Genève-Lausanne. On signale des objets sur les voies de circulation entre Gland et Rolles en direction de Lausanne. Sur l'autoroute Yverdon-Mora, un véhicule en panne perturbe la circulation dans le tunnel de Pomy en direction de Mora. Chapitre 3. Un horizon qui s'obscurcit. Le Front de Libération Nationale, le FLN de son côté, qui n'a pas encore grand monde dans ses rangs, veut entraîner la grande masse des musulmans non encore déterminés à venir le rejoindre. Pour cela, il doit créer un choc. Quant aux militaires français, eux, ils se plaignent de la formule de maintien de l'ordre telle que Paris la leur impose. Ils ne peuvent pas faire leur travail librement. Ils sont un peu coincés aux entournures. Un état d'exception. Voilà exactement ce qu'il leur faudrait. Les événements du 20 août 1955 vont amener tout naturellement cet état d'urgence, cet état d'exception, et chacun sera servi. Seulement à quel prix ? Un soulèvement coordonné de milliers de paysans provoque des émeutes frappées par une répression redoutable. Nous écoutons Henri-Paul Edoux, chef de cabinet de Jacques Soustelle. Le véritable tournant, ça a été en août 1955, lors de la révolte du Constantinois. Un matin, des masses d'hommes et de femmes, mal armées, fanatisées, se sont ruées sur les villes, villages et postes français et ont procédé à de véritables massacres. Aussitôt après, j'ai accompagné Jacques Soustelle sur les lieux. C'était vraiment horrible. Des yeux crevés, des femmes éventrées, des gosses brisés, frappés contre des murs. L'armée a riposté. C'était le début de la guerre, de la véritable guerre d'Algérie. On n'a jamais dit le mot guerre, mais c'était la véritable guerre. Une guerre impitoyable et malheureusement durable. Jean Delplanque, ancien préfet en Algérie. Ces massacres d'un côté et les réactions inévitables qui ont eu lieu ont provoqué plusieurs milliers de morts, on parle de 8000, et ces événements ont beaucoup touché la France. De nouveau des chiffres flous, Jean Delplanque parle de 8000 victimes, quand les historiens avancent le chiffre de 12000, celui-ci est rarement infirmé. De nombreux témoignages attestent de la violence des troupes chargées de la répression. Max Lejeune, secrétaire d'État aux armées, reconnaît qu'elle est aveugle. L'état d'exception est donc étendu à toute l'Algérie et des rafles sont immédiatement opérées. L'armée française a désormais bien plus de latitude, c'est ce qu'elle attendait. Le FLN va voir ses rangs fortement grossir, c'est ce qu'il souhaitait. C'est aussi ce que nous confirme Abdelhamid Meri, dirigeant du FLN. Je pense que les événements du 20 août 1955 furent, du point de vue militaire, un des tournants de la guerre. Ce jour-là, la preuve a été faite que la population soutenait le FLN. Les gens se ruaient, les mains nues, pour arracher les armes dans les dépôts de l'armée française et les donner au FLN. Cette union des masses et du FLN fut le tournant de la révolution. Voilà, vous l'avez entendu, Abdelhamid Meri parle, lui, de révolution. Événement, guerre, révolution. Le choix des mots dépend du côté où l'on se trouve et du message que l'on veut faire passer. Cependant, une étape est franchie, espérée par les uns, redoutée par d'autres, redoutée notamment par les jeunes gens du continent de l'autre côté de la Méditerranée. En France, il y a des gars de 20 ans qui, un beau matin, reçoivent dans leur boîte aux lettres une missive de la part de l'État, un billet de train, gratos, sympa, hein, accompagné d'un mot d'ordre assez bref, moins sympa, lui. Recours massif du contingent, mission pacification en Algérie, post-scriptum, allez me remettre un peu d'ordre dans le bled et que ça saute. C'est le genre de courrier dont on peut se dispenser, et surtout pas un genre d'ordre qu'on peut discuter, sinon ça s'appelle de la désertion ou de l'objection. Bref, de quoi se retrouver vite à l'ombre. Très rapidement, le nombre de soldats en Algérie est multiplié par 7. La France dit d'abord l'ordre, après les élections. D'abord cessez le feu, et après on verra la question du droit. D'abord chopez-moi ces terroristes, après on vous assoupira l'existence. Vous êtes pauvres, d'accord. Vous avez les mauvaises terres, d'accord. Vos enfants ne sont pas à l'école, bon, d'accord. Vous n'avez pas le droit d'aller sur certaines plages, bon, bah oui, d'accord, oui. Ni au cinéma, oui, bon, bah d'accord, oui. Mais fallait le dire que ça vous gênait. Nous, on savait pas, hein. On faisait ça pour vous. Alors aidez-nous, c'est ce que va dire Guy Mollet hein, dans un instant, aidez-nous à trouver les responsables, délatez-vous entre musulmans, la France, je m'excuse, était là avant Mahomet, hein, excuse, faites ça pour la France, elle le mérite, elle a tant fait pour vous, puis vous verrez, après tout ça va s'arranger. C'est pas dit en ces termes bien sûr, hein, mais c'est ça que ça dit sous le vernis. Et dans la catégorie maladresse et doigts dans l'œil, là, il y a de l'Oscar dans l'air. Nous écoutons Guy Mollet, président du Conseil, le 13 avril 1956. La France, je l'ai déjà dit, si elle est bien décidée à ne pas se laisser arracher une solution par la violence, se refuse tout autant à imposer une autre solution par la force. Nous voulons aussi résolument que quiconque voir cesser le feu. Pour le permettre, des contacts locaux peuvent être nécessaires. Le gouvernement les autorise. Ceux qui accepteront le cessez-le-feu seront en droit de demander des garanties dès lors qu'ils ne seront pas coupables de crimes. Dans les 3 mois qui suivront le rétablissement du calme, des élections libres seront organisées pour désigner les représentants de l'Algérie. Elles seront réellement, totalement libres. Il ne doit y avoir aucun doute là-dessus. Chez les musulmans d'Algérie. Mais il y a beaucoup de militaires qui arrivent, c'est pas un peu contradictoire avec ce que vous dites, monsieur Mollet? Le corps militaire ne pourra en aucun cas aboutir au retour de la situation antérieure. Ah d'accord. Le gouvernement a prouvé à tous les habitants de l'Algérie sa volonté de progrès par ses mesures administratives et sociales. Les réformes, je pourrais presque dire les bouleversements, que nous avons déjà décidé, sont d'une ampleur telle qu'il sera impossible de revenir sur elles. Elles sont malheureusement mal connues, surtout dans la métropole. Ah, pour être mal connues, elles sont mal connues en métropole. Enfin, elles sont mal connues aussi en Algérie, hein, mais en métropole particulièrement. Parce que, figurez-vous, les petits gars, donc, ils ont bien reçu le courrier de l'État leur disant de faire leur sac, mais certains sont pas du tout décidés à y aller. On va prendre un exemple précis. Grenoble, le 18 mai 1956. Un convoi doit partir, plein de petits gars obéissants se pointent pour embarquer. Il y a quelques CRS et gardes mobiles qui sont là. Les gardes mobiles et CRS, c'est les hôtesses d'accueil de la SNCF à l'époque. Hein. C'est plus masculin, mais enfin, il y a déjà le charme de l'uniforme. Et pouf, devinez qui se pointe à l'horizon? Les cocos. Les cocos locaux, qui de leur côté ont décidé une manif. Extrait de La guerre sans nom de Patrick Rothman et Bertrand Tavernier. Juste en bas, là, il y avait la barrière, et auprès du portillon de la barrière, il y avait donc les deux gardes mobiles, et en même temps arrivaient deux ouvriers qui sortaient d'usine et qui venaient à la manifestation. Et qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Je ne sais pas, mais un garde mobile a dû perdre son sang-froid et a donné un coup de poing sur la tête d'un de ses ouvriers. Juste devant vous? Juste devant moi. Et le sang a commencé à gicler et à couler. Et ça m'a révolté personnellement. Et tout le monde est donc descendu sur la voie. Et le train a continué à avancer jusqu'à proximité des manifestants qui étaient sur la voie. Et ça s'est passé en quelques minutes, bien entendu. Et un camion, un gros camion, est arrivé, Beria, là, arrivait pour aller sur le centre de la ville, et il s'est trouvé bloqué sur la voie. Le train étant arrivé là, au milieu de la barrière, il était sous pression, il y a un gars qui m'a crié « tire sur la manette ». Alors, tire sur la manette, Ah, j'ai donc, avec plaisir d'ailleurs, obéi à cette injonction en disant, j'ai tiré une manette, c'était une manette de pression, je suppose, je ne connaissais pas. Et j'ai tiré la manette, ça fait, la pression a jailli et puis pour moi, ça s'est arrêté là. Disons que j'ai pas, après, les flics étant, puis les échauffourées se développant, on était tous en train de courir sur la voie et de part et d'autre de la voie d'ailleurs, tout le long de l'avenue. Et j'ai vu des gens qui faisaient tomber une grue vers les grands boulevards, on appelle, sur la voie et qui coulaient du ciment dans les aiguillages. On a couché une grue sur la voie, là, on a balancé des sacs de ciment sur les gardes mobiles. Ah bon, je vais pas en dire. Oui. D'abord, j'ai un copain qui est à la FNAC qui a reçu le ciment dessus. Alors. Lui était garde mobile en bas. On défendait l'idéal. Hein. Alors, il y a ceux, oui, qui défendent un idéal, et puis aussi les parents qui veulent pas que leur rejeton aille se faire trouer dans le bled. Puis tous ceux qui commencent à découvrir dans les journaux des articles qui donnent froid dans le dos. Extrait de « Votre Gestapo d'Algérie » par Claude Bourdet, paru dans France Observateur le 13 janvier 1955. Les faits dont je suis amené à parler aujourd'hui sont d'une exceptionnelle gravité. À Paris, sous l'occupation, la Gestapo possédait, outre la rue des Saussets et quelques autres immeubles, une série de bâtiments situés avenue Foch. Les musulmans d'Algérie ne connaissent pas l'avenue Foch. Ils connaissent tous un autre immeuble dont la réputation est pour eux la même, la Villa Mahedine, où officie la police des renseignements généraux d'Algérie. Cette réputation est-elle surfaite ? En toute sincérité, je ne le crois pas. La presque totalité des accusés d'un procès en cours a déposé devant le procureur général des plaintes circonstanciées concernant diverses tortures, et ceux en liberté provisoire que j'ai pu interroger fournissent des précisions nombreuses sur les tortures dont ils ont été l'objet. Leur description est convaincante pour un homme connaissant l'atmosphère des locaux de la Gestapo. Il y a des détails qu'il faut avoir vus soi-même. Il y a la mâchoire fracassée d'un des inculpés, il y a les brûlures d'électrodes relevées sur les mains d'un accusé, il y a surtout les plaintes déposées par tous, ou presque. Tous se plaignent des séquestrations arbitraires qui ne peuvent être niées, tous parlent de coups violents sur tout le corps, presque tous affirment avoir été soumis au supplice de la baignoire, certains parlent de torture électrique et de pendaison, plusieurs relatent un procédé qui semble nouveau, la bouteille. Voici par exemple un extrait de la plainte de Mohamed Kitter qui resta 17 jours avant d'être remis au juge. Les deux pieds et les deux poings liés, on me passa un manche de pioche simultanément sous les genoux et la face antérieure des deux coudes. Ensuite, on m'a fait asseoir sur une bouteille, le goulot de cette dernière me rentrant dans l'anus pendant que les inspecteurs appuyaient de toute leur force sur mes épaules. Les trompettes d'une renommée sanglante ne vont cesser de retentir. Demain, année 1956, l'affaire va se complexifier avec l'entrée en lice des Pieds Noirs d'Algérie. Vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.